toi mon idole. Dans la ville, il n'y a plus rien. Alors que tu m'abandonnes, je ne sais pourquoi. Si vraiment que tu m'aimais, l'avenir pour nous deux, cela est bientôt funeste, ainsi que notre amour. Femme, il y a un ardent regret dans mon cœur. Et alors, voudrais-tu me pardonner? Si vraiment que tu m'aimais, l'avenir est pour nous deux. Cela est bientôt funeste, ainsi que notre amour. Je ne sais pourquoi. Si vraiment que tu m'aimais, l'avenir pour nous deux, cela est bientôt funeste, ainsi que notre amour, ainsi que notre amour, ainsi que notre amour, ainsi que notre amour.